le rassemblement conjoint des militaires et civils pour célébrer la réussite au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale a eu lieu le 9 dans les provinces du Pyongan du Sud et du Nord, du Fan et du Nord, du Zhagang, du Kangwon, du Hamgyong du Nord et du Sud et du Yangon, les villes de Nampo et de Lason. Y étaient présents les cadres des organismes locaux du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines, entreprises, fermes et grandes écoles, les hommes de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, habitants, jeunes étudiants. Les cadres responsables de ces provinces ont donné lecture du communiqué de l'Académie des sciences de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée sur la réussite au tir de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 sous la direction personnelle de Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée. L'assistance a écouté ensuite les interventions des cadres des organismes du parti et des forces armées et de l'Union de la jeunesse. Les orateurs ont souligné que la réussite au tir de la fusée de type façon 14 est une grande victoire nationale, ayant déclaré de nouveau dans le monde entier que rien ne peut barrer la voie à notre peuple en progression vigoureuse vers une puissance socialiste. Ils ont appelé tous les militaires et civils à se faire rempart et bouclier pour défendre à outrance la direction de la révolution et, suivant loyalement la conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un, à ouvrir une voie large à la réunification nationale et à l'édification d'une puissance socialiste.